Chapitre 13. La terreur d'Ornano dit tout. Mais comme Paulin Broquet arrivait à la sûreté, l'amorce, qui depuis longtemps le guettait, lui dit « Chef, attendez-vous à une grande surprise. Parle. J'ai mis dans votre bureau, sous la garde d'un homme à nous, la terreur d'Ornano. « Ah ? » fit Paulin Broquet. « Qu'est-ce qu'il veut ? Vous parlez à vous seul. En qui la confiance ? Vous faire des révélations terribles. Tout vous dire. Bon ? » La terreur d'Ornano est très abattue. Il est fatigué. On sent qu'il souffre, qu'il rage, qu'il a pleuré. Allons voir ça. Peu après, Paulin Broquet pénétrait dans son cabinet. La terreur, qui assis sur une chaise gardait les bras croisés, la tête penchée sur sa vaste poitrine, silencieux, morne, sans bouger, se leva en apercevant Paulin Broquet. Il vint à lui, tendant sa large main d'un air à la fois de reconnaissance, de pitié, d'affection et de supplication. Paulin Broquet prit cette main de bandit et la serra fortement. « Eh bien, mon garçon, dit-il familièrement, tu veux me voir? Tu as quelque chose à me demander, à me dire? Oui, monsieur Paulin Broquet, je vais tout vous dire, parce que vous, vous êtes un homme qui sait et qui comprend la vie. Vous savez que si on a une terreur, on n'est pas pour ça un misérable. Et que les bras de fer, les poings durs, ça n'empêche pas au fond d'avoir un cœur tendre. Vous comprenez, vous, monsieur Broquin, qu'une terreur, elle peut vivre des femmes, mais qu'elle ne leur a jamais fait trop de mal. Que leur envoyer quelques coups, ça ne les blesse pas, ça leur plaît, ça leur montre qu'on est fort. Vous comprenez qu'on les défend, les femmes, et que même on se dévoue pour elles. Et puis, qu'il arrive parfois qu'un beau jour, la terreur qui faisait le malin, elle est chippée. Chippée. Oui, elle devient amoureuse, quoi. Alors, mon brave, tu es chippé, te voilà amoureux. À vous, monsieur Broquin, ça peut se dire. Parce que vous, vous ne rirez pas d'un pauvre bougre comme moi, qui, grand, gros, plus fort qu'un taureau, souffre comme un enfant. Vous savez, vous, monsieur Broquet, que l'amour, c'est une espèce de maladie qui, plus terrible que la fièvre, vous brûle dans l'intérieur, vous alourdit le crâne, et jette à terre le plus solide. Oui, mon garçon. Eh bien, moi, ça y est, j'y suis. Oui, moi, la terreur d'Ornano, m'y voilà. J'ai l'amour. Et vous voyez, je pleure. C'était un spectacle, en effet, inattendu, et ma foi touchant, de voir ce colosse ainsi abattu, sans âme, sans volonté, qui sanglotait. Paulin Broquet, pris de compassion, lui posa la main sur l'épaule et doucement lui dit « Pleure, va, mon garçon, pleure. Il n'y a que ça, vois-tu, quand on aime. » Puis, au bout d'un moment, quand la terreur, ayant calmé ses sanglots, put parler, il lui demanda « Maintenant dis-moi, qui tu aimes ?» « Vous le savez bien, voyons, monsieur Broquet, redis-le-moi. Mais cette femme, qui est venue faire une valse avec moi chez Clafou, celle qui voulait connaître les aides, savoir qui était Zigomard. »« Hein ? » fit le détective. « Oui, en effet, je me souviens, tu nous en as parlé. Cette femme est, paraît-il, très belle. » La terreur d'Ornano se redressa, s'écriant avec enthousiasme. « Belle ? Ah, monsieur Broquet, belle comme il n'y en a pas d'autre au monde ! » Des yeux si grands qu'ils semblaient vous entourer de leurs regards, si brillants, si forts et si doux, qu'ils vous tenaient comme dans une chaîne de fer, et vous caressaient en même temps. Des yeux tellement profonds qu'on ne savait s'ils étaient bleu sombre ou tout noir, et un sourire tel que chaque mot dit par cette bouche vous aurait fait courir à la mort. Et un corps, des bras, des épaules, des mains si petites, qu'à elles deux ne pouvaient faire le tour de mon poignet. Mais qui d'une seule à la fois me forçait, moi, à me mettre à genoux. Ah, monsieur Broquet, quelle femme, quelle femme !» Paulin Broquet, ayant laissé le colosse exposer son amour, voulait enfin savoir ce qu'il tenait à lui dire. « Oui, oui, une femme merveilleuse. Eh bien, c'est elle que tu aimes, c'est elle qu'on t'a enlevée, qu'on t'a prise. Tu viens me demander de te dire si je sais où elle est, si je peux la retrouver, pour te la rendre. » Douloureusement, le colosse secoua la tête. « Non, monsieur Broquet. » « J'ai bien à vous dire qu'ils l'ont tué. »« Tué ? » s'exclama le détective. « Assassiné ! Ah, voyez-vous, elle était trop belle. » Le soir du bal de Clafou, ils étaient tous fous après elle. Ils m'ont attaqué pour me la prendre. Elle leur a échappé ce soir, mais c'était fatal. Ils l'ont reprise. Comme elle ne voulait pas céder, ils l'ont tuée. Et tendant les poings, il hurla comme un fauve blessé. « Les lâches, les lâches, les misérables !» Et Paulin Broquet, il dit « Il faut nous venger, venger cette femme. C'est pour cela que me voici. Oui, je vais tout vous dire. » Paulin Broquet, voyant le moment des aveux venus, pour aller plus vite en besogne et plus logiquement, posa les questions. « Bon, Nous te vengerons, toi et la femme que tu aimes. Voyons, tu dis qu'on l'a tué, en es-tu sûr? Absolument. Comment le sais-tu? Qui te l'a dit? Voilà, monsieur Broquet, vous savez que chez Clafou, aux enfants de l'Aveyron, à la Barbotière, je connais tout le monde, comme dans tous les bars des boulevards de la Chapelle, de Rochechouart ou de Clichy. Après? Forcément, ces connaissances sont un peu mélangées, vous vous en doutez. Alors naturellement, je connais des aides, des compagnons de Zalavis à la mort, des affiliés à la bande de Zigomard. Vous connaissez tout ça comme moi, monsieur Broquet. Bah toujours. Tu as eu affaire à Zigomard? Zigomard, qui a besoin d'hommes dans mon genre, a voulu m'engager, mais j'ai toujours refusé. Vous savez, monsieur Broquet, que si je suis une terreur, je suis un honnête homme, à ma façon. J'ai pas voulu être un Z, un Zigomard. Je vois la suite maintenant, dit Paulin Broquet. Les Z ont fait d'une pierre deux coups. Ils se sont vengés de toi et de la belle femme parce que vous ne vouliez ni l'un ni l'autre céder à Zigomard. Voilà! S'écria la terreur d'Ornano. Voilà! Vous l'avez deviné! Mais qui t'a dit cela? Un de mes amis, la Quiche. C'est un bon garçon. Ce qu'il fait, ça ne me regarde pas. Mais nous avons toujours été copains. Je savais qu'il était de la bande des Z, mais il voulait s'en sortir. Il paraît que ça ne va pas très bien dans la bande des Z, maintenant que Paulin Broquet s'en mêle. On y reçoit plus de coups que d'argent. Alors on commence à lâcher Zigomard. Tenez, il avait promis un grand arrosage pour ces jours-ci. Après le cambriolage de l'hôtel du baron Vancambre, il y aurait des millions à se partager. Jamais affaire n'avait été préparée comme celle-là par Zigomard, c'était sûr. L'argent allait pleuvoir. Mais ce qui est tombé sur les aides, c'est Paulin Broquet. Et total pour les aides, des coups, des blessés, des morts. Pas un radis. Les aides n'ont plus confiance dans le maître invisible. Ils trouvent que c'est surtout le bénéfice qui n'est pas visible, et ils se désorganisent. Ils ont peur de Paulin Broquet. Mais ta femme, qu'est-ce qu'elle fut là-dedans? Ils l'ont accusé de vous avoir fourni les tuyaux qui ont fait manquer cette affaire si bien préparée. Ils l'ont jugé et condamné. Ils l'ont tué? Oui, monsieur Broquet, ils l'ont tué. Et pour que les aides sachent que Zigomard venait faire acte de justice contre un traître, pour que Paulin Broquet apprenne le sort de la femme qui avait trahi Zigomard, ils ont coupé sa tête et l'ont jeté dans un terrain vague près des buts de Chaumont. Je sais tout cela. Nous avons retrouvé la tête, je l'ai vue à la morgue. Mais dis-moi, tu sais où et comment ils l'ont tué? Oui, monsieur Broquet, je sais même où est enterré le corps. Ah oui, où est-il? Je vais vous le dire, monsieur Broquet. Je suis venu pour tout dire. Seulement, avant, il faut que vous me fassiez une promesse. Je te la fais. Bon, moi je ne veux rien que ma vengeance. Que revoir encore la femme que j'aime tant? Même mon copain la Quiche a besoin d'argent. Avec Zigomard, il n'en gagne plus. Il trouve rigolo d'en toucher de Paulin Broquet. Alors il paraît qu'on va promettre une récompense pour celui qui trouvera le corps. La Quiche dit que si vous la lui donnez, il vous conduira dans la maison du quai de la Loire où se trouve enterré dans une cave le corps sans tête. Paulin Broquet répondit, « C'est entendu. Ton copain la Quiche touchera la prime quand il m'aura mis en présence du corps. Il faudra, monsieur Broquet, que vous ayez confiance en la Quiche quand il vous conduira dans la cave. « Naturellement, rassure-toi, je n'irai pas sans prendre mes précautions. »« D'ailleurs, dit la terreur d'Ornano, je serai là moi aussi, monsieur Broquin, si vous voulez. »« Merci, mon garçon, j'accepte. »« Voyons, pour marcher plus vite, voici ce qu'il faut faire. »« Tu vas aller retrouver ton ami la Quiche. »« Tu lui diras de m'attendre, avec toi, quai de la Loire, entre 1h et 2h du matin. »« Cette nuit ?»« Oui. »« Si c'est possible, nous descendrons tout de suite dans la cave. »« Sinon, ce sera pour demain. » J'aurai l'argent sur moi. D'ailleurs, la Quiche, grâce à toi, aura confiance dans ma parole. Allons, bah, à ce soir. Je crois que ça pourra aller. J'en suis sûr. Tu reverras ta femme aimée, et je te promets, mon garçon, que tu seras bien vengé. Merci, monsieur Broquet, merci. Ah, vous pouvez compter sur la terreur d'Ornano. Il vous est dévoué pour la vie. Oui, fit en riant le détective. Zalavie, Zalamor. Il fit reconduire la terreur d'Ornano par un des 1000 couloirs du palais et le fit sortir place de Harlay. La morse, qui le guidait, put voir que le copain la Quiche l'attendait par là. Paulin Broquet, dans son bureau, alluma une nouvelle cigarette. Il dit à ses lieutenants « Mes garçons, préparons l'expédition de ce soir. Nous avons une tête, mais Zigomard est si fort maintenant qu'il va nous prouver que cette pauvre tête avait deux corps. Un qui repose au cimetière Montmartre, dans le cercueil de Carmen d'Amata, l'autre, peut-être, dans une cave du quai de la Loire. Il me tarde de voir cela. »